commence le 10 mai 2018 dans l'océan Indien entre l'Afrique et Madagascar. Une étrange série de secousses sismiques est détectée sur l'île de Mayotte. Dans les mois qui suivent, le phénomène se répète et s'intensifie. Plus de 1800 secousses sont enregistrées. Sur l'île, l'inquiétude grandit. Il faudra attendre un an pour que les chercheurs identifient enfin le responsable. Un volcan sous-marin en cours de formation à 50 km à l'est de Mayotte. C'est la première fois que des scientifiques assistent quasiment en direct à la naissance d'un volcan au fond de la mer. Depuis cette découverte, le phénomène est suivi de près. Il s'agit de comprendre les mécanismes géologiques à l'œuvre et d'apporter des réponses aux interrogations des Mahorais qui s'inquiètent à l'idée de devoir désormais cohabiter avec un voisin si remuant. À quoi ressemble ce nouveau volcan? Que savent les scientifiques de la façon dont il s'est formé? Et comment la situation pourrait-elle évoluer? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Anne Le Friant, volcanologue au CNRS et à l'Institut de physique du globe de Paris. Elle a participé à l'une des expéditions d'observation sur le nouveau volcan. Et Eric Hummler, géologue à l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS. Il a coordonné des missions océanographiques à Mayotte. Avec eux, nous allons prendre le large à la découverte de ce tout jeune volcan mahorais et plus généralement des différents types de volcans sous-marins qui se cachent dans les abysses. Et puis en fin d'émission, nous ressortirons la tête de l'eau pour nous intéresser à des inventions ratées qui n'ont pas marqué l'histoire, mais que notre invité Jacques Guichard s'est amusé à exhumer des archives. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Oh mon Dieu! Les Mahorais commencent à s'y habituer malgré eux. Le jour comme la nuit, ils vivent au rythme des séismes. Éprouvés, ces habitants préfèrent dormir dehors. Autant être dehors que s'il y a des dégâts ou il y a des soucis, au moins on est tous dehors, entre de s'entraider ou de se protéger, quoi. L'épicentre sismique se situe à environ 60 km de Mayotte. Depuis le 10 mai dernier, plus de 800 secousses ont été enregistrées. On est réveillé chaque nuit par des tremblements de terre qui cassent pas encore les maisons, encore que ça commence à se fissurer d'un peu partout. Sur l'île, l'inquiétude grandit, car de nombreuses constructions ne respectent pas les normes antisismiques. Bonjour Anne Le Friant et Eric Hummler. Bonjour. Bonjour. L'extrait de reportage que nous venons d'entendre date du 7 juin 2018. Il y a un peu plus d'un an, à cette date, la cause de ces séismes à répétition n'avait pas encore été identifiée, Eric Hummler. Oui, absolument. Tout au départ de cette aventure, on avait quelques indices qui nous disaient qu'il y avait quelque chose qui se passait, effectivement. Mais on savait pas quoi. Il y avait deux grandes hypothèses. Soit simplement quelque chose de tectonique, c'est-à-dire une faille, ou quelque chose d'un peu plus compliqué, peut-être un volcan. C'était des secousses à répétition. Hein. Pendant plusieurs mois, 1800 secousses ressenties par les habitants de l'île, alors que ça n'est pas une région particulièrement à risque sismique. Ça a été une grande surprise. Alors, vous avez raison de dire que ça n'a pas été un événement et puis après ça s'est arrêté. C'est ce qu'on appelle un essaim de séisme, c'est-à-dire plusieurs séismes qui n'arrêtent pas de crépiter en quelque sorte à l'intérieur de la Terre. Avec parfois des séismes quand même importants hein, au niveau intensité sur l'échelle de Richter. Et surtout ressentis par la population, hein, plus que la magnitude ou l'amplitude on va dire du processus. Certains de l'ordre d'une magnitude 4 par exemple pouvaient être effectivement, ils sont encore ressentis par la population. Oui, encore maintenant, ça a encore lieu aujourd'hui, au moment où nous parlons. Je crois que le dernier qui a été enregistré doit dater de la semaine dernière. Donc ces séismes étaient une surprise pour les scientifiques. Il a fallu enquêter sur place. Comment ça s'est passé, Anne Le Friant? Alors en fait, donc les séismes en effet étaient une surprise, mais il y a d'autres choses qui avaient été observées depuis mai 2018, donc quand la crise sismique a commencé, c'est aussi un mouvement en fait de l'île. L'île semblait se déplacer vers l'est. À quelle vitesse quand on dit que l'île se déplaçait? Alors là, elle se serait déplacée à peu près de 20 cm en un an vers l'est, et en vertical, on serait à 15 cm à l'heure d'aujourd'hui. Elle se déplaçait horizontalement et aussi elle s'enfonçait. Voilà. Donc ce qui était observé l'été 2018, c'était en effet un déplacement qui était horizontal. Donc le gouvernement a débloqué des fonds, du coup, pour aller voir ce qui se passe. Parce que le problème d'une crise comme ça, quand elle est en mer, c'est qu'on n'a pas forcément tous les instruments à terre. Et donc, des campagnes de mesures qui ont été menées à terre, mais aussi en mer. La première, c'était en février 2019, où on est allé déposer des capteurs, des sismomètres de fond de mer, donc au fond de l'eau, pour vraiment pouvoir analyser la sismicité et comprendre où était cette sismicité, où elle était localisée. Et alors, à quel moment on identifie le volcan ? Donc, au mois de mai, il y a une campagne océanographique qui était menée par Nathalie Feuillet et Stéphane Jury, donc Ifremer et IPGP. Ils sont allés avec le bateau, ils ont récupéré les capteurs, donc ils ont pu bien identifier en traitant les données où était la sismicité, et surtout, sur le Marion Dufresne, il y a un sondeur multifaisceau qui va permettre de mesurer la hauteur d'eau, la profondeur, et donc d'avoir les variations de profondeur qui vont donner des variations de morphologie, donc d'identifier vraiment toute la morphologie des fonds marins. Autrement dit, on observe le relief, on dessine le relief des fonds. Exactement, on dessine le relief des fonds sous-marins. Et ce qu'ils ont vu apparaître, c'est d'abord un panache volcanique, c'est un panache de fluide, en fait, ils l'ont vu apparaître dans la colonne d'eau. Donc là, ils se sont dit, il se passe quelque chose. Du coup, ils ont très vite comparé les données de la morphologie des fonds qui avaient été acquises en 2014 avec les données qu'ils venaient d'acquérir là en 2019. Mmh. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'il y avait un relief de 5 km de diamètre, 820 mètres de haut, qui n'était pas sur les fonds océaniques en 2014. Éric Humler, elle ressemble à quoi les images? Avec quel instrument exactement on arrive à voir ce relief? Alors, il y a plusieurs types d'imagerie, on va dire, quand on est à bord d'un navire océanographique tel que celui-ci ou d'autres. On a utilisé un peu plus tard un autre navire, du Chaume, qui est le Beautemps-Beaupré, et de la même façon, il est équipé d'un sonar. Et là, ce qu'ont utilisé les scientifiques, non seulement le sonar, bien évidemment, Anne vient d'en parler, mais on a pu également, pendant une mission, mettre à l'eau des caméras, finalement, qu'on a pu traîner sur le fond. Alors, ça se fait, c'est pas aussi simple que ça. Il y a une grosse ingénierie derrière, et qui permet de faire une imagerie, une vraie image, cette fois, et des photos du fond sous-marin. Et c'est là qu'on a pu obtenir les premières photos de pilolava. Alors, les pilolava, ce sont des laves. Ça veut dire lave en coussin. Mais voilà, c'était ces premiers pilolava qu'on a découverts. Alors, les scientifiques ont vu apparaître le volcan sur les écrans, dans le bateau. Ils ont été impressionnés par ces images. Ici, le témoignage du géographe Saïd Hachim, qui, comme il le dit, a pu survoler le volcan. J'étais là à scruter les écrans et progressivement, doucement, le fond qui se dessine, le niveau de la mer, on était à 3400 mètres, 3200, 3000, et puis voilà, on arrive à 2604 mètres exactement. Là, on est au sommet de ce nouveau volcan, le dernier volcan né sur Terre. On a constaté qu'en fait, il y avait des épanchements de lave énormes, capable de couvrir la ville de Paris entière sur 2 mètres. Pour les scientifiques qui ont vu se dessiner ce volcan, c'est une émotion, vraiment, on a l'impression que ça vous a impressionné, Anne Lefriant. Moi, je n'étais pas à bord en mai quand ils ont découvert ce volcan, mais oui, je pense qu'il y avait beaucoup d'émotions, une excitation scientifique aussi, et puis aussi une explication par rapport à toute cette sismicité. Ouais. Alors c'est une première, il faut le dire, Éric Humler, c'est la première fois que l'on assiste à la naissance d'un volcan sous-marin. Quelle taille il fait exactement, ce volcan ? Il fait 5 km de diamètre et 820 mètres de haut. Beau bébé, il a à peine un an, ce volcan, il est déjà gigantesque. Il est déjà gigantesque et ça représente à peu près 5 km cubes, quand même. Ouais. C'est très important. Alors les investigations ne font que commencer, le volcan est sous haute surveillance. Maintenant, vous allez nous dire, dans la suite de cette émission, où en est votre enquête et puis comment la situation pourrait évoluer. Mais avant, prenons le temps de remettre cette découverte dans son contexte. Que savent aujourd'hui les scientifiques des volcans sous-marins ? Y a-t-il, d'abord, Éric Humler, y a-t-il beaucoup de volcans sous les océans de la planète ? Oui, alors, pour être honnête, répondre à cette question de façon exacte, c'est pas facile, parce que c'est encore aujourd'hui une vraie question. Dans la mesure où on a besoin, évidemment, d'appareillages sophistiqués, d'une cartographie très précise du fond, pour pouvoir compter ces petits volcans. Après, il y a la taille. C'est-à-dire, est-ce que on veut compter, par exemple, les volcans qui ont un diamètre de 100 mètres? Ou alors tous ceux qui ont des diamètres supérieurs à 10 km. C'est pas du tout le même genre d'exercice. Alors on a une chance là-dedans, c'est que tout ça semble obéir à ce qu'on appelle une loi d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gros et beaucoup de petits. Mais alors on fait des diagrammes en logarithme, etc. Et si on extrapole ça, on arrive à plus de 100 000 petits volcans de ce genre-là, on va dire, sur le fond océanique. Autrement dit, il y a beaucoup plus de volcans sous-marins que de volcans terrestres ? Alors, les volcans terrestres actifs, on peut les comptabiliser, ils sont de l'ordre de 1500 actifs à peu près. Et il est fort probable, effectivement, que des volcans actifs sous-marins, il y en a beaucoup plus. Savoir combien sont actifs sous l'eau, ça c'est une vraie question scientifique à laquelle il est très difficile de répondre. Mais celui de Mayotte, c'est l'exemple typique d'un, ce qu'on appelle en anglais un cimente, un mont sous-marin, un petit volcan actif, petit mais de taille quand même assez raisonnable, qui est en train de se mettre en place. Donc pour nous, c'est un bel exemple d'étude pour essayer de comprendre ailleurs ce qui peut se passer. Comment ils se forment de façon plus générale, ces volcans au fond de l'océan ? Alors, si on fait un tour très rapide de l'ensemble du volcanisme sous les océans, d'abord vous avez bien en tête que 75% de la surface de la Terre, ce sont des océans. Le reste, ce sont les continents sur lesquels on marche. Et au fond de ces océans, les premières roches que vous allez rencontrer, ce sont des sédiments la plupart du temps. Et puis si vous creusez un peu le sédiment, vous arrivez à des roches qu'on appelle des basaltes. Ces basaltes sont donc des roches volcaniques qui sortent de ces volcans, sous différentes formes. Alors, le volcanisme le plus connu et le plus important à la surface de la Terre, sous l'eau, ce sont les dorsales océaniques qui font 65 000 km de long. Donc là, on parle de ces chaînes de montagnes littéralement sous-marines qui se trouvent à la jonction de toutes les plaques tectoniques. Voilà, c'est exactement ça. Et on peut les voir en fait comme une juxtaposition de petits volcans les uns à côté des autres. Mmh. Et le mot chaîne de montagne, vous avez raison finalement de l'employer parce que c'est le premier terme qu'on a utilisé lorsqu'on a découvert ces reliefs. On savait pas encore que c'était des volcans, mais on savait qu'au milieu des océans, comme l'océan Atlantique par exemple, eh bien, au centre de cet océan, il y avait ces espèces de montagnes. Et ça, ce sont les premières expéditions qui datent des années 1855, pour faire un chiffre un peu rond, qui ont permis de voir qu'il y avait des reliefs un peu bizarres au centre de ces océans. Et on a mis du temps avant de comprendre qu'il s'agissait de montagnes volcaniques, en fait. Alors, il a fallu attendre pas mal d'années, effectivement, parce qu'il y a eu d'abord des descriptions morphologiques, c'est ce qu'on appelle donc la bathymétrie, on en a parlé, mais à l'époque on n'avait pas les sonars qu'on a aujourd'hui. Donc en fait c'était des fils à plomb, ou c'était des cordes, et puis au bout il y avait un poids, et puis c'était très long à faire. Allez, on regardait jusqu'où le poids descendait, on mesurait la corde et on avait la profondeur. Exactement, c'était aussi simple que ça, donc ça a pris beaucoup de temps pour identifier donc vaguement des reliefs au fond. Puis après on s'est posé la question de ce que c'était que ça. Et pour ça il a fallu attendre pas mal de temps. Il y a eu des premiers dragages qui ont été effectués dans les années 1870 par des scientifiques anglais en particulier. Et là, ils ont commencé à draguer des roches qu'ils ne connaissaient pas, où ils étaient assez étonnés, mais bon, c'était resté un petit peu dans des caisses, jusqu'à ce moment-là qu'on parte sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et ça a été l'apport de tout ce qui a été le magnétisme des roches au fond de la mer, qui nous a renseigné sur le fait que ces dorsales océaniques s'écartent. Il y a des anomalies magnétiques qui sont enregistrées par les roches. Et ça, en fait, c'est grâce à la compilation de l'ensemble des données qui ont été effectuées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et derrière les bateaux, on tirait des magnétomètres, en fait, pour détecter des sous-marins. Mmh. Mais à la fin de la guerre, les militaires ont mis leurs cartes sur la table et puis ils se sont aperçus qu'il y avait une certaine logique dans le magnétisme des roches de part et d'autre de cette dorsale. Mmh. Et il fallait donc que cette dorsale s'écarte, en quelque sorte, pour expliquer ce qu'on voyait. Un nouveau volcan sous-marin est en train de naître non loin de Mayotte et selon les premières estimations des scientifiques, il s'agirait d'une éruption particulièrement importante. Nous allons voir dans un instant ce que savent aujourd'hui les chercheurs de ce phénomène en cours et nous verrons aussi avec nos invités Anne Le Friant et Eric Humler comment la situation pourrait évoluer. Yeah. C'était Into the Surf Fall sur France Inter et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. France Inter. Du vent dans les synapses. Il arrive au port de Longoni après 3 jours passés en mer à scruter et analyser les fonds marins, le navire Marion Dufresne. À son bord, 12 scientifiques, géochimistes, sismologues, géologues, volcanologues, présents. Et l'idée de cette nouvelle mission, c'était de, d'aller faire des prélèvements de roches et de fluides un petit peu autour pour voir ce qu'il en est. Donc. Et les scientifiques ne reviennent pas les mains vides. Près de 400 kilos de roches prélevées dans les profondeurs entre 1500 et 3000 mètres sous l'eau, avec l'aide, à bord, d'une drague à roches. Il s'agit d'une structure comme ça, avec des dents qui permettent de racler le substrat. Donc en fait, on va la déposer sur le fond. Et puis on va dérouler un peu de câble et exercer une tension pour arracher des fragments de roche, généralement sur des pentes. Voilà, on travaille plutôt sur des domaines pentés. Des pierres qui passeront au crible d'une analyse géochimique pour découvrir la nature de ce magma. Nous étions en mai 2019, retour du Marion Dufresne, navire océanographique à bord duquel ont déjà été menées plusieurs campagnes d'études autour de ce volcan qui est apparu au large de l'île de Mayotte. Anne Lefriant, volcanologue, vous avez participé à l'une de ces campagnes océanographiques cet été, je crois que c'était en juillet que vous y étiez. Alors moi j'y étais en juin. En juin, pardon. Donc c'était la deuxième, après la découverte du volcan qui a été faite en mai, donc on est retourné au mois de juin. Et alors en quoi consistent exactement ces campagnes? Maintenant qu'on sait que le volcan est là, qu'est-ce que vous allez faire sur place? Alors ce qu'on fait, c'est que déjà on récupère les capteurs, les sismomètres au fond de mer qu'on a mis au fond de la mer, pour récupérer les données et pouvoir bien voir où en est la sismicité, si elle se déplace, si elle progresse, comment elle évolue. Et surtout, on refait ce qu'on appelle un survey bathymétrique. On va à nouveau cartographier la morphologie des fonds marins pour voir si le volcan a évolué. Mmh. Pour voir s'il a pris du poids, en fait, en quelque sorte. Pour voir s'il a grandi, s'il a grossi, s'il s'est arrêté, où en est sa croissance. Et alors, où en est sa croissance? Alors, où en est sa croissance? Quand on est revenu au mois de juin, il n'avait pas grandi en taille, il faisait toujours 820 mètres de haut. En revanche, il y avait une nouvelle coulée qui s'était mise en place un peu plus au sud, à la base de l'édifice, de l'ordre de 0,2 km3 à peu près. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on revient, tous les mois, le volcan ne grandit pas, mais en revanche, autour du volcan, de nouvelles coulées se mettent en place. Ouais. Et ce qu'on a surtout, c'est qu'on a pu essayer de calculer en fait des débits. Et donc, on a des débits qui sont assez importants. On est de l'ordre de 150 à 200 mètres cubes par seconde de lave émise. Et ça le place directement derrière le Laki, qui était entré en éruption en 1783 et qui c'est la deuxième, en fait, éruption, du coup, la plus importante en termes de débit. Hein. Pour le Laki, on était à 694 mètres cubes par seconde. De l'histoire des observations scientifiques de volcans, c'est la deuxième éruption la plus importante en termes de lave émise. Si nos calculs sont justes, parce que, bien sûr, on est arrivé après, le volcan s'était déjà mis en place, donc on fait des estimations, ce serait en effet la deuxième plus importante émission de lave sur la Terre, tout volcan confondu. Éric Muller, non seulement on assiste à la naissance de ce volcan, mais en plus c'est une éruption historiquement importante. Oui, et sur le côté, je dirais, scientifique, ça nous pousse à nous poser un certain nombre de questions, en particulier sur les flux de CO2, par exemple. Le dioxyde de carbone est dégazé par ces laves. Et pour l'instant, on a des chiffres, évidemment. On travaille depuis de nombreuses années sur ce genre de bilan. Et tout d'un coup, on se retrouve avec un appareil volcanique auquel on s'attendait pas du tout. Et donc, avec des flux supplémentaires de CO2 qui vont venir s'ajouter à la masse d'eau océanique. Et effectivement, si on regarde un peu les bilans et les flux, on aurait de l'ordre de 30% d'apport de CO2 de l'intérieur de la Terre vers la masse d'eau, rien que par cet édifice volcanique qu'on a découvert. Ce volcan apporterait 30% de gaz carbonique. À peu près, c'est extrêmement important. Alors c'est impressionnant, c'est des chiffres vraiment impressionnants. Vous étudiez aussi ces pierres que vous remontez, donc ces pierres qui sortent du volcan, vous les remontez sur le pont du bateau, Anne Lefriant. Oui, en effet, donc pendant toutes les missions là qui ont eu lieu en mer, à chaque fois donc il y a les dragues qui ont été, donc des dragues, c'est vraiment un grand panier qui est traîné au fond de la mer, donc pour essayer de racler le fond de la mer et de récupérer les échantillons, on les remonte ensuite à bord, on les analyse en laboratoire, et une des particularités des roches qui ont été prélevées donc sur le nouveau volcan, c'est que les gaz, en fait, qui étaient compris dans ces roches-là, quand la roche est remontée, il y a une décompression, en fait, des gaz. Et donc, quand elles arrivent à bord, quand elles arrivent sur la plage arrière du bateau, les roches vont se fragmenter, en fait. Elles crépitent. Alors, vous nous avez donné un enregistrement de ces popping rocks, comme vous les appelez. C'est un peu comme du pop-corn. Faut tendre l'oreille, parce qu'il y a tout l'appareillage du bateau que l'on entend. Mais les crépitements, les craquements que l'on entend, ce sont ces roches qui éclatent une fois sorties de l'eau. Il y a un côté partie de ping-pong un peu sur ce bateau. C'est impressionnant à voir ces roches qui crépitent un peu comme du pop-corn. Oui, c'est impressionnant. Et puis, il faut faire attention. C'est-à-dire, quand on va échantillonner, il faut quand même se protéger puisque quand elles crépitent, les morceaux se fragmentent et ils peuvent être projetés à plusieurs mètres de haut. Mmh. Donc, il faut être protégé quand on va chercher les échantillons. Et Eric Humler, les scientifiques ont eu l'idée d'utiliser un moyen un peu original pour capter les gaz qui sortent de ces popping rocks. Oui, alors les premières popping rocks qui ont été échantillonnées, elles ont été échantillonnées dans l'océan Atlantique, il y a presque 30 ans, à 14 degrés nord exactement, et les scientifiques étaient très frustrés parce que une fois que tout explose, que tous les gaz sont sortis, on peut plus rien dire ou c'est plus difficile de dire quelque chose, il faut conserver ces gaz. Donc ce qu'on a fait sur les missions suivantes, c'est simplement d'acheter des cocottes minutes, et les premières c'était vraiment des cocottes minutes dans le commerce. On voulait utiliser ces cocottes minutes pour mettre les échantillons et les enfermer à l'intérieur pour que le gaz ne soit pas pollué par celui de l'atmosphère. Et en ce qui me concerne, je me suis promené un peu partout dans les océans en faisant des missions océanographiques avec, sous le bras, ces cocottes minutes. J'en ai jamais eu besoin. Il a fallu attendre l'équipe d'Anne et compagnie pour pouvoir enfin les utiliser. Et ça a avec marché, Anne Le Friant, la Alors, cocotte minute. Ça a marché. Donc c'est une étudiante en thèse qui était sur le bateau, Manon Vickert, qui est allée échantillonner. Avec la cocotte minute, là, ça n'en était pas une, mais ça ressemblait en effet. Ça ressemblait. Elle était bien protégée. Elle a d'ailleurs un bloc qui s'est fragmenté et qui, devant elle, on a une vidéo, on voit le bloc qui monte de plusieurs mètres, mais ça a marché. Alors, vous nous avez dit que cette éruption volcanique a eu pour conséquence de faire déplacer l'île. Aussi bien, elle s'est un peu tassée vers le fond, et puis aussi, elle a dérivé d'une dizaine de centimètres. Comment expliquer le déplacement de l'île de Mayotte lié à l'éruption de ce volcan à 50 km. Alors ça, en fait, c'est quelque chose qui est observé sur d'autres volcans. C'est dû, en fait, à la vidange du réservoir magmatique. Le réservoir magmatique va se vidanger puisqu'on a le volcan qui se crée. Donc on a de la lave qui va sortir. Et le fait de vidanger ce réservoir magmatique, on a un affaissement autour du réservoir magmatique du sol. Mmh. Et donc l'île, du coup, est entraînée vers le réservoir magmatique. L'île est posée sur une poche de magma. Alors c'est pas posé sur une poche de magma. Le réservoir magmatique, il est on ne sait pas bien où il est, on va dire entre 40 et 80 km à l'est de Mayotte. On n'a pas fait de tomographie exactement pour savoir où il était, parce que ça a un coût, mais c'est des choses auxquelles on pense et c'est des missions qui devraient avoir lieu plus tard. Donc on ne sait pas exactement où il est. L'île n'est pas posée dessus. En fait. Alors si on ne sait pas où il est, on ne sait pas non plus à quel point il est plein. On n'a pas d'idée en fait s'il y a encore beaucoup de magma dans ce réservoir. Ce qu'on avait tendance à observer là, c'est qu'il y avait en fait une diminution, un ralentissement justement de cet affaissement. Mais tout ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que les données, on se réunit tous les lundis, le réseau de volcanologique de surveillance à Mayotte, et peut-être que les données de lundi vont nous dire, finalement, il n'y a pas de ralentissement, l'affaissement se poursuit. Ouais. Donc, c'est des scénarios qui sont à prendre. Il faut rester prudent, parce qu'effectivement, on attend des nouvelles de ce volcan, particulièrement pour les habitants de Mayotte, qui sont inquiets, et on les comprend. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour ce volcan? Est-ce qu'il peut grandir? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres éruptions, l'émergence d'autres volcans? Géologiquement, qu'est-ce qui peut se passer, Anne Le Friant? Alors, en termes d'activité volcanique, il y a plusieurs scénarios possibles. L'activité volcanique peut s'arrêter. Voilà, le volcan peut s'arrêter de grandir et une éruption pourrait s'arrêter. Olaki, l'éruption a duré 245 jours. Après, elle s'est arrêtée. Ou l'activité volcanique peut continuer, mais à un autre endroit. Donc, soit elle se décale un petit peu. Alors là, ce qu'on a vu dans les dernières observations, c'est qu'en effet, les coulées étaient plus au sud, un peu plus à l'ouest. Bon, ça pourrait encore se décaler, peut-être plus au large, mais elle pourrait aussi se décaler plus proche de l'île. Ça, c'est des scénarios qui doivent être envisagés. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une nouvelle île apparaisse? En tout cas, si on tient compte des débits actuels, donc les fameux 150 ou 200 m3 par seconde, Il faudrait un certain temps avant qu'une nouvelle île se construise, plus d'un demi-siècle, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, il va falloir qu'on consolide la base de l'édifice. Donc chaque mètre en hauteur, il va falloir vraiment le gagner. Il va falloir vraiment bien consolider avant de pouvoir avant de faire en sorte que le volcan monte. Et il est encore, il est basé à 3500 mètres de fond, il fait 820 mètres de haut, donc il a encore quelques mètres à parcourir. En attendant, les Mahorais sont invités à voter pour donner un nouveau nom à ce volcan. Alors, je ne parle pas couramment le Mahorais, mais il y a plusieurs propositions. Bagougou, le monstre imaginaire, Chisiwa, Pia, la nouvelle île, Atzalwa, il est né, ou encore le voilà, Tsiyo. C'est une façon aussi de s'approprier ce nouveau voisin, Eric Humler. Oui, c'est tout à fait ça. Qu'il s'agisse des Antilles ou de l'île de la Réunion, les habitants ont l'habitude de vivre avec leur volcan. Les gamins dans les écoles, etc., très jeunes, les profs les sensibilisent à l'existence de ces volcans et puis aux gestes aussi qu'il faut avoir en cas de crise plus intense. C'est absolument pas le cas à Mayotte. Mmh. Et il est extrêmement important, effectivement, et en particulier auprès des plus jeunes, d'avoir une action. Et le nom du volcan, c'était une perche lancée pour que ça soit totalement approprié par la population. Nous allons nous intéresser dans un instant à d'autres volcans au fond de la mer. Et puis nous verrons aussi dans quel cas ces éruptions volcaniques sous-marines peuvent engendrer des tsunamis. Qui a dit qu'on le referait une autre fois? Bien sûr qu'on a des skills, bien sûr qu'on s'amuse bien, mais pas besoin de le dire à haute voix. Profite de maintenant, c'est simple comme au revoir. Je connais mes talents, ton corps, mes lèvres, un matelas. Bientôt, je sens plus ma langue, mord le coussin, crie à toi de voir. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Le désir passe, je suis pas sûr qu'il ait bien fait, s'avançait d'un pas. Elle refuse, puis elle cède un peu. Ça va les rendre fous comme la bougie d'anniversaire qui s'éteint pas. Bien sûr, il s'agit pas de nous, ces histoires l'amour hippie. Baisse-moi avec de l'amour hippie. T'es pas très belle, mais t'as beaucoup de charme. J'ai encore du miel sur les lèvres, je suis un goujat. Qui peut se moquer durant toute la prémongaine? Ce monde est froid comme ok. Glisse-toi entre mon corps et la moquette. Oublions les langages communs, me dis pas à quoi tu penses. En nous j'ai tellement confiance, regarde-moi jusqu'à demain. Bruyant quand nos montées s'accordent, comme deux avions qui décollent. Oh non, regarde-moi jusqu'à demain. Regarde-moi, c'était l'homme pâle. France Inter, du vent dans les synapses. Une montagne qui part d'un fond à 400 ou 500 mètres et culmine à moins 60, moins 70 mètres. À l'évidence, je vous décris un gros cratère. En réalité, il pourrait s'agir d'un grand volcan qui ferait une trentaine de kilomètres d'est en ouest et environ 35 du nord au sud. Si c'est bon pour vous, on peut y aller. Reçu, affirmatif, on lance le robot téléopéré. La mission de reconnaissance est confiée à Pluto, un robot téléguidé de la dernière génération. On est au fond. Ça doit être le centre du volcan. Là où se trouve toute la sédimentation. Ça, c'est de la roche. Ce sont des concrétions ? Oui. Et là, c'est le sommet. Extrait du documentaire Un volcan sous la mer. Nous étions au large de la Sicile. Des scientifiques ont découvert en juin 2006 un nouveau volcan sous-marin gigantesque. Ils l'ont baptisé Empédocle, un édifice dont la taille serait comparable à celle de l'Etna. Nous sommes toujours en compagnie d'Anne Le Friant, volcanologue au CNRS à l'Institut de physique du Globe de Paris, et Éric Humler, géologue à l'Institut national des sciences de l'univers du CNRS. Éric Humler, on découvre encore des volcans sous-marins, pas très loin de nos côtes, là en l'occurrence c'était en Sicile. Ça paraît presque étonnant qu'ils soient là, tout près de nous, et qu'on ne les connaisse pas. Oui, alors c'est leur localisation, évidemment. Dès qu'il s'agit d'un volcanisme qui a lieu sous l'eau, nous sommes aveugles tant qu'on va pas voir ce qui se passe sous l'eau. Et pour ça, il faut avoir quelques indices avant pour pouvoir se positionner, savoir où peut-être ce volcan. Dans le cas de l'Italie, c'est assez complexe parce que ce sont des zones de subduction. C'est pas le modèle le plus simple qu'on connaisse. Il est donc passionnant, mais on a encore beaucoup à apprendre de la géologie et de la géodynamique, pour employer un terme qu'on emploie chez nous assez couramment, pour comprendre ce qui se passe là-bas. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le Stromboli, l'Etna, tous ces volcans aériens émergés ne sont qu'une partie émergée de l'iceberg. Il y a une multitude de volcans presque aussi imposants sous l'eau. Oui, dès qu'on commence à faire une cartographie fine, et d'où l'intérêt d'avoir des moyens analytiques vraiment performants, on s'aperçoit que c'est toujours plus compliqué qu'on le pensait. Mmh. On voit effectivement, comme le nez au milieu de la figure, le volcan qui sort à terre. En revanche, ce qui se passe sous l'eau, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Alors, des arcs volcaniques avec une partie des volcans terrestres et puis une partie des volcans sous-marins, ça se trouve à de nombreux endroits, à la surface du globe. Anne Le Friant, les Antilles, que vous connaissez bien, par exemple, sont un bel exemple d'arcs volcaniques avec une partie des volcans émergés et une partie des volcans immergés. Oui, en effet, ce qu'on connaît souvent des Antilles, c'est les volcans sur les îles. On connaît les îles. Donc, il y a les volcans en Guadeloupe, en Martinique, mais il y a aussi des volcans sous-marins aux Antilles. Donc, il y en a qui ne sont plus en fonctionnement. Mais quand on fait justement ce dont parlait Éric Humler, des cartographies détaillées, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'édifices volcaniques, beaucoup de petits cônes volcaniques qui sont en fait sous l'eau. Mmh. Il y a quand même un volcan actif sous-marin qui est connu aux Antilles, c'est le Kikamgeni, qui est tout au sud de l'arc, au niveau de Grenade, et qui a eu des éruptions qui ont pu être observées. Il y a eu une éruption, je crois que c'était en 1939, où là, le volcan en ce moment, il est à 160 mètres de la surface de l'eau, et là, il y a un panache qui était sorti. Il y a eu un petit tsunami, d'ailleurs, qui avait été généré sur les côtes de Grenade. Parce que contrairement à celui de Mayotte, qui est quand même il a plus de 2000 mètres de profondeur. Donc, quand il entre en éruption à la surface, on ne voit rien. En l'occurrence, quand le cratère est proche de la surface, là, ça peut faire des choses assez spectaculaires. Oui, exactement. Oui, mais ça, c'est vraiment la principale différence aussi entre le volcanisme, on va dire, aérien et le volcanisme sous-marin, c'est la présence d'eau, puisque le moteur de l'éruption, c'est les gaz. Et quand on est à 3000 mètres de fond, l'eau va exercer une pression. Donc, on va avoir une diminution des dynamismes explosifs. On va avoir ce qu'a cité Éric Humler tout à l'heure, donc des laves qui vont s'épancher, qui vont faire des morphologies en pile au lava, des laves en coussin. Donc ça, c'est des choses qu'on voit pas à terre. C'est des choses qu'on voit en mer. Et puis, si le volcan commence à grossir, que ce soit dans une zone de subduction ou au niveau d'un point chaud, donc soit les Antilles, soit la Réunion, ou Mayotte, le volcan est au départ au fond de la mer et puis il commence à grossir, et quand il va approcher la surface de l'eau, là le processus de dégazage va reprendre des forces, on va dire, et donc les dynamismes explosifs vont pouvoir débuter en fait. Donc ça peut faire des fumées, des vapeurs, des bouillonnements, c'est ce genre de choses que l'on peut observer à la surface. Surtout une activité explosive, donc un panache avec des cendres, avec une fois qu'on a passé après le stade, qu'on passe au stade aérien. Bien sûr. Vous l'avez dit, pour ce volcan des Antilles, il a provoqué un petit tsunami. Alors dans quelle mesure éruption volcanique sous-marine et tsunami peuvent-ils être liés ? Alors, en fait, il a provoqué un petit tsunami parce qu'il n'était pas très loin de la surface. Et là, c'est le phénomène éruptif qui l'a provoqué. Des éruptions volcaniques associées à des tsunamis dans des contextes insulaires, on va dire. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu le Krakatoa en 1883. Mais là, c'est vraiment un effondrement, une activité explosive importante, un effondrement du volcan, donc qui a généré un très gros tsunami, qui a fait beaucoup de victimes. C'est là en s'effondrant dans l'eau, un pan du volcan qui a généré cette vague gigantesque. Voilà. Alors, ça peut être soit un effondrement du volcan sur lui-même, lui-même, puisqu'on vidange le réservoir magmatique, et donc ça peut être un effondrement sur lui-même, ou ça peut être un pan du volcan qui glisse, en fait, qui se déstabilise, peut-être parce que le magma est en train de pousser un peu plus sur un des flancs, donc ça déstabilise un flanc du volcan. Et on sait que les volcans, au cours de leur évolution, passent par des phases d'instabilité. Tous les volcans, au bout d'un moment, il y a des instabilités sur les volcans. Alors, je peux pas m'empêcher de vous poser cette question un peu délicate, parce que il y a peut-être des Mahorais qui nous écoutent, mais ils se la posent, cette question. Est-ce que ce qui se passe à côté de leur île, la naissance de ce volcan, pourrait engendrer un raz-de-marée? Ça, c'est des choses sur lesquelles on est vraiment en train de travailler. Une instabilité du flanc même de l'édifice volcanique, sachant que l'édifice volcanique est basé à 3500 mètres de fond, a priori, les risques de tsunami ne seraient pas forcément très importants, puisqu'on voit qu'on ne voit pas l'activité en fait en surface. En revanche, quand un édifice volcanique comme ça se met en place dans un environnement où il n'y avait pas cet édifice avant, donc on a vu qu'il y avait beaucoup de sismicité, la sismicité, elle peut venir ébranler, on va dire, un petit peu la couche sédimentaire, les sédiments qui sont posés sur les pentes, sur les flancs, en fait, typiquement de l'île. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde, si la sismicité pourrait, notamment les pentes qui pourraient être instables autour du volcan. Il est instrumenté, comme on dit, ce volcan, aujourd'hui. Est-ce qu'il est suffisamment surveillé? En gros, est-ce que vous êtes prévenu en temps réel de tout sursaut de ce ou soubresaut de ce volcan? Alors le temps réel, c'est vraiment le point critique du réseau de surveillance que l'on a. Donc la principale donnée que l'on regarde, c'est la sismicité. On suit la sismicité pour voir si elle migre, si elle se rapproche de l'île, si elle bouge, comment elle se comporte. Et donc pour avoir cette sismicité, on met les capteurs, les sismomètres en mer et on va ensuite chercher les données. Et on traite les données après. Et donc, on arrive à mieux localiser la sismicité, mais passer. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir avoir la sismicité en temps réel. Et ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore à Mayotte. Il y a des volcans qui sont instrumentés, enfin, pas tant que ça, qui sont instrumentés comme ça. Il y a notamment l'Axial Cimente, qui lui est instrumenté avec des câbles, des systèmes câblés, pour avoir vraiment les données en temps réel. Et donc, on peut voir, du coup, les gonflements, les dégonflements du volcan, toute la sismicité. Mais ça, c'est des choses dont on parle dans le cadre. Et puis, ça coûte cher, Éric Humler, d'instrumenter de cette manière un volcan sous-marin. Alors, ça coûte cher, mais je veux dire, si c'est un besoin, on trouvera les moyens. Vous vous y employez, je crois. J'y passe pas mal de temps, mais il n'y a pas que moi. Mais je voulais revenir un petit peu pour préciser ce que disait Anne. On a quand même des sismomètres à terre, et cela donne une information en temps réel. Le problème, c'est que la qualité de l'information qu'on obtient par les sismomètres à terre est dégradée en quelque sorte de moyenne qualité, on va dire, par rapport à ce qu'on peut faire à la mer. Actuellement, on a aujourd'hui même 20 OBS, qu'on appelle les OBS, des sismomètres sous l'eau. On en a pratiquement une dizaine à terre avec des GPS associés. Donc on n'est pas complètement aveugle, mais on n'est pas content de la qualité qui pourrait être meilleure. Et si on avait en temps continu effectivement l'information des sismomètres en mer, là on serait heureux. Alors je sais que vous n'êtes pas biologiste, Éric Humler, vous êtes géologue, géochimiste. Quels sont tout de même les conséquences de ces éruptions volcaniques sur la vie des océans? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors, les fameux cimentes dont je parlais tout à l'heure, ces petits volcans dont celui dont on parle, l'intérêt pour les biologistes, c'est de voir comment la vie va envahir ces roches, parce que ce sont véritablement des minéraux, ni plus ni moins, il n'y a pas une trace de vie là-dessus. Et assez rapidement, et là on va pouvoir le quantifier probablement, on voit se développer de la vie. Donc ça c'est une énigme, c'est comment la vie peut se développer à partir de roches. Ouais. Alors c'est une énigme d'ailleurs qui interroge les scientifiques depuis quelques décennies maintenant. Au niveau des dorsales océaniques dont on parlait en début d'émission, en 1977, des chercheurs ont eu la surprise d'observer des formes de vie sur des ce qu'on appelle des sources hydrothermales, des fumeurs noirs. Ce sont des structures volcaniques que l'on trouve au niveau des dorsales. Et je laisse les auteurs de cette découverte raconter ce qu'ils ont vu ce jour-là de 1977 à bord de leur sous-marin l'Alvin. Il s'agit des océanographes Jacques Corlis et Cathy Crane. En fait, il y avait beaucoup de vie ici. Une vie étrange. Des mollusques colombiers, des moules, des crabes, juste à côté de cette cheminée longue, toxique et fumante. C'était stupéfiant. Cette eau magnifique et paisible. Et les animaux qui dérivaient paresseusement dans cette eau semblable à une station thermale, comme un jardin d'Éden. C'était la première fois que des hommes assistaient à un tel événement. Le scientifique à l'intérieur d'Alvin a utilisé un bras mécanique avec des pinces pour saisir délicatement certaines de ces créatures. Nous avons appelé l'Institut Woods Hole pour demander « Eh, un biologiste peut-il nous dire ce que c'est ?» Ils ont dit « Quoi ? Nous ne savons pas ce que c'est. Gardez tout. » C'est la première fois que quelqu'un avait vu une communauté d'organismes dont la vie était basée sur la chimie, sans l'énergie du soleil. Nous avons commencé à en parler sur le bateau. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'origine de la vie ? Ça a été une grande surprise pour les scientifiques de découvrir ces formes de vie tout à fait singulières autour de ces fumeurs noirs, Eric Humler. Oui, très beau reportage, d'abord ce qu'on vient d'entendre. Et les années 1974-1978 ont été extrêmement riches, en particulier chez nous, Français, parce qu'on est quand même un peu cocorico aussi. Jean Franchetot a fait un travail absolument formidable pendant cette période-là. Et ça a été une véritable découverte, parce que pour tout le monde, avant ces découvertes, la vie à ces profondeurs-là, c'était pas possible. Et ça, évidemment, repose toute la question de l'origine de la vie, les questions de pression et de température, de lumière, pas de lumière du tout. Là, c'est pas du tout une chimie basée sur le fer, mais sur le soufre, et avec des bestioles qui ont parfois des têtes assez surprenantes. Ces sources hydrothermales pourraient être le lieu où la vie est apparu sur Terre? Oui, il y a des équipes justement de l'IPG qui travaillent beaucoup, je pense à Bénédicte Ménès par exemple, sur ces conditions tout à fait particulières, extrêmes on va dire, en termes encore une fois de pH, de température, etc. Et on voit des espèces de prémices de chimie, alors prébiotiques, on met quelques guillemets autour, mais des espèces de chaînons manquants, en tout cas qu'on avait raté dans nos éprouvettes et dans nos tubes à essai, et qu'on voit finalement, en tout cas on en voit les traces sur les roches. Merci Eric Humler et Anne Le Friant. Eric Humler, je précise que vous avez publié avec Christiane Grappin « Quand la Terre tremble » chez CNRS Éditions. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le volcan en cours de formation au large de Mayotte, est-ce qu'il existe un site internet où on peut suivre l'avancée de vos découvertes en temps réel ou presque ? Alors l'IPG a mis à disposition son site, le site de l'IPG. Au-dessus, on peut trouver un certain nombre de documents. Bientôt, je pense que les films même de l'IFREMER vont être copartagés entre l'IFREMER et l'IPG. Faut retenir de ça, c'est qu'il y a quatre acteurs principaux, le CNRS, l'IPG, le BRGM et l'IFREMER. Et donc l'ensemble des acteurs mettent à disposition les informations sur leur site web. Et on va mettre en lien sur la page de l'émission, effectivement, tous les sites de ces différents instituts. Allez, dans un instant, nous allons nous intéresser avec notre invité Jacques Guichard à des inventions ratées qui n'ont pas rencontré le succès escompté, de la machine à faire pousser les cheveux au bateau anti-mal de mer, en passant par la cravate gourde. Nous allons voir qu'il faut se méfier du progrès, il n'a parfois aucun avenir. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça. Du vent dans les synapses. Jusqu'à la prochaine fois. La complainte du progrès, c'était Boris Vian. Ne pas casser une biscotte en la beurrant tient aussi de la magie. Le tartineur, composé d'une motte de beurre et d'une lame, est supposé vous tirer d'affaire. Voici le clou peut-être de ces 50 ans d'invention constructive, le mange-macaroni automatique. Rendons hommage à ce précurseur qui, voici 20 ans, se lançait sur son extraordinaire machine volante à réaction, à catapultage manuel et déclenchement de combustion par allumette de la régie. France Inter. Daniel Fievé. Des inventions du concours Lépine qui ne sont pas passées à la postérité. Bonjour Jacques Guichard. Bonjour Daniel. Vous avez été biologiste, puis directeur du Palais de la Découverte, et vous venez de publier aux éditions Larousse le best-of des inventions ratées. Alors beaucoup de ces inventions prêtent à sourire, mais il faut quand même reconnaître que leurs auteurs ont fait preuve d'une imagination sans limite. Je crois que c'est le propre de l'inventeur, c'est justement d'avoir de l'imagination pour répondre à des besoins qu'il a ressentis pour lui ou pour des gens autour de lui. Et puis parfois il rate, parce que ça marche pas, et puis d'autres fois son invention n'aboutit à rien, parce qu'il y a personne pour s'y intéresser, pour la commercialiser. Alors ça part souvent d'une bonne intention, hein, pour nous rendre la vie plus facile ou plus agréable. Par exemple, les lunettes pour lire couché, inventées par un Anglais en 1936. Absolument, hein, mais j'ai vu que ça revenait. Et peut-être du coup ça va reprendre. Là c'est avec un système de petits miroirs. Oui, avec un miroir qui permet justement de changer l'axe de vue. Pour pouvoir être tranquille, couché, et pas avoir à tenir son livre en hauteur. Le ventilateur de cuillère, la cravate gourde, hein, ça aurait pu complètement rentrer dans la chanson de Boris Vian qu'on vient d'entendre. Un système d'alarme pour avertir du fond de son cercueil qu'on n'est pas mort. Oui, c'est toute une époque où justement, pour repérer la mort, c'était plus difficile que maintenant, c'était juste le souffle. Et donc il y a des gens qui s'étaient trouvés enterrés vivants et qui avaient cogné dans leur cercueil pour essayer de sortir... avant qu'il soit trop tard, et donc ils avaient inventé une époque, plusieurs systèmes d'ailleurs, les Américains en avaient fait, mais les Français aussi, des cercueils avec des systèmes, avec une clochette qu'on pouvait tirer, avec une réserve de nourriture et la bouteille de rouge pour tenir le coup, vraiment très très amusant. Oui, alors avec des choses aussi pratiques, mais quand même qui peuvent surprendre, le bébé nettoyeur. Oh, le bébé nettoyeur, oui, ça c'est vrai, c'est un Japonais qui a inventé ça, mais c'est vrai que le bébé serpillière, comme les bébés se traînent tout le temps par terre, il a mis des pluches partout, et puis du coup il nettoie le sol. Il lui a mis sur le ventre. Sur le ventre, Sur le ventre, les bras et les jambes, des pluches, en fait, qui permettent de nettoyer comme un balai. Ouais. Alors, il y a la variante avec le chat cireur de parquet. Oui, aussi, alors je suis pas sûr que le chat apprécie. Le bébé non plus. Je suis pas persuadé que le bébé aime énormément. Alors, il y a des inventions plus spectaculaires, moins bout de ficelle que celles que l'on vient d'évoquer, dans le domaine des transports, notamment le bateau conçu pour éviter le mal de mer. Ça, c'est spectaculaire. Puis, ils l'ont fait vraiment sérieusement, là, pour le coup. Là, c'est. Parce que les inventions qu'on a mis dans le bouquin, tout le temps des inventions où il y a eu un brevet et un prototype. Souvent, ça n'a pas été plus loin. Mais là, l'histoire de Bessemer est extraordinaire. Parce que Bessemer, en fait, c'est Henri Bessemer. Sir Henri Bessemer, je devrais dire, qui était donc un sœur de sa majesté britannique, qui est un ingénieur formidable. Parce que c'est lui qui a inventé le convertisseur qui a permis de révolutionner la fabrication de l'acier à la fin du 19e. Donc il était très riche à cause de son convertisseur. Et c'est lui qui a du coup fondé la première compagnie de bateaux Douvres-Calais. De bateau en acier, coque d'acier et vapeur. Mais il a le mal de mer. Donc il a cherché une solution avec ses ingénieurs et ils ont pensé à un bateau en si mal de mer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont fabriqué directement ce bateau. Ils étaient tellement sûrs de leur idée qu'ils l'ont fabriqué. C'était en fait la grande cabine, magnifique d'ailleurs, comme on faisait des cabines fin du 19e, qui pouvait recevoir une cinquantaine de passagers, était dans un cylindre lesté à la base. Et donc quand le bateau tanguait, avec le lest, le cylindre devait rester bien stable. Autrement dit, le bateau bouge, mais le cylindre ne bouge pas. Ça, c'était le principe. Mais quand le bateau a commencé à démarrer, le cylindre s'est mis à tanguer un petit peu, lentement. Mais après, au lieu de stabiliser, c'était pire. Le mouvement a été deux fois plus fort que dans le bateau normal. Ils se retrouvaient à bord d'une balançoire sur un bateau en mouvement. Absolument. Ouais, alors, ouais. Et si bien que le bateau est ingouvernable. En arrivant à Calais, il a cassé le bout de la digue. Et les gens n'ont jamais été aussi malades. Donc voilà, mais Bessemer avait mis beaucoup d'argent là-dedans. En 1875, c'est arrivé. Et bon. Dans les transports aussi, des idées un peu incroyables. Un japonais, alors lui, il n'a fait qu'une maquette, hein, c'est un designer. Le train qui ne s'arrête pas, avec une nacelle qui vient se greffer sur le toit du train et se décrocher du toit du train, voilà, avec les passagers qui veulent monter et descendre, mais le train ne s'arrête jamais. Bah, ça répond à un besoin, puisqu'en fait, les trains, on sait bien quand il faut qu'ils freinent et qu'ils redémarrent doucement, bah, ça les retarde. Bah, là, imaginez un TGV qui n'a pas besoin de s'arrêter dans les gares intermédiaires, donc il peut décharger des passagers dans toutes les gares avec cette nacelle qui s'accroche dans la gare et l'autre nacelle attend avec les passagers dans la gare et est accrochée par le train pour repartir plus loin. Ouais, on n'arrête pas le progrès. Enfin, celui-là, il n'a pas été bien loin dans son idée. Il y a des inventions qui ne sont pas juste des mauvaises idées, mais qui sont franchement du charlatanisme. Par exemple, le casque pour faire pousser les cheveux. Oui, alors ça, il y a eu beaucoup d'inventions, surtout dans le début du siècle, mais il y en a encore. Hein. Surtout dans le domaine, j'irais, de la beauté. Alors là, ils se sont donnés à cœur joie. Et ce casque, oui, c'était de la lumière bleue en fait, qui éclairait la tête et qui suffisait de porter pendant deux mois, je crois, toutes les nuits pour faire repousser les cheveux. Mais je crois que jamais personne n'a réussi. Ça n'a jamais marché. Alors, il y a même des idées qui sont dangereuses. Hein. Le chocolat radioactif. Ah bah, oui. Ah, ça, c'est la mode, j'irais, des années... Bah, oui, quand on a découvert le radium, hein, au début du siècle, hein, dans les années... De 1910 à 1920 en particulier, c'était la grande époque du radium, avec les petites curies, enfin, vous savez qu'ils faisaient des radios pour les blessés sur les combats, etc. Mais le radium, on en mettait partout. On faisait des pommades au radium. Ouais. On faisait, pour toutes les mains, soigner un peu tout et n'importe quoi. On faisait même des pulls avec de la laine au radium pour les bébés, pour que ça leur tienne bien chaud. Mmh. Et puis alors, on faisait même quelque chose... Le slip au radium. Le slip au radium, ouais, peur de rien. Alors, dernière invention qu'on n'a pas spécialement envie de tester, le bain galvanique inventé par un Canadien. C'est un bain dans lequel on fait passer un courant électrique avec deux électrodes. Oui, bon, oui. Meilleur moyen de s'électrocuter. De s'électrocuter, absolument. Ouais. Bah, dans parler d'électrocution, au fin du 18e, quand on a découvert le paratonnerre, on a même fait des parapluies paratonnerres. Ah voilà. Pour être bien sûr de se prendre la foudre. Et des chapeaux paratonnerres. Ouais. Et on avait une sorte de queue tissée, en fait, je veux dire, en métal, qui traînait sur le sol pour se mettre à la terre. Mais c'était le meilleur moyen de se faire foudroyer magistralement. Pour finir, Jacques Guichard, si vous deviez sauver une de ces inventions qui n'a pas percé, laquelle mériterait d'être pêchée? C'est pas très facile, mais il y en a une qui était partie d'un bon sentiment, qui avait été fait par des ingénieurs d'ailleurs de ce qui est devenu ensuite le CNRS à Meudon, et qui était un système à l'avant des voitures de protège-piéton. À l'avant de la, vous imaginez une fauteuil à l'avant de votre voiture, et si vous freinez pas à temps, le piéton se trouve catapulté dans le fauteuil, et comme le fauteuil amortit bien, normalement il lui arrive rien. Mais en fait, il y avait une barre à l'avant, et c'est ça qui l'a tué, l'invention. Il y avait une barre à l'avant, et forcément, tapant dans les tibias, les premiers contestaient ça avec une voiture qui arrivait à 50 à l'heure seulement à l'époque, ils se sont cassés les tibias, donc c'était pas forcément une bonne solution. Oui, on n'a pas spécialement envie de la repêcher finalement, cette invention-là. Merci Jacques Guichard, je rappelle le titre de votre ouvrage, Best of des inventions ratées aux éditions Larousse. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. À samedi prochain pour de nouvelles découvertes, et dans quelques minutes, vous aurez le plaisir de retrouver Jean-François Zigel et sa preuve par Z.